Chapitre 30, sous-chapitre 33 à 34 et conclusion 2. Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Envie de femme enceinte. Goulard rapporte que, dans le voisinage d'Andernac, petite ville assise sur le Rhin, une paysanne enceinte et dégoûtée eut la fantaisie de manger de la chair de son mari. Son appétit s'enflamma tellement qu'elle le mit à mort, mangea la moitié du corps, sala le reste, puis, lorsque la rage de cet appétit fut assouvie, elle s'en alla naïvement raconter ce qu'elle avait fait aux amis de son mari qui le cherchaient. Dans les chroniques helvétiques, on lit que, sous le pontificat de Martin IV, une illustre dame romaine qui passait pour avoir des liaisons intimes avec le chef de l'Église donna le jour à un fils velu comme un ours, et armé d'ongles et de griffes comme une bête féroce. On attribua cette énormité à la passion prodigieuse de Martin IV pour les tableaux d'animaux qui décoraient son palais. Leur vue continuelle avait frappé la dame romaine. Si ce fait était admis, il ne faudrait pas trop se récrier contre ce qui arriva, dit-on, durant le siècle passé, à une grande dame française. Lors de sa délivrance venue, elle mit au monde un petit moricaud, ce dont son mari parut un peu offusqué. « C'est votre faute, mon ami, lui dit tranquillement sa femme. Vous avez à votre service un grand et beau nègre qui vous sert à table de sorte qu'il est toujours devant moi pendant le dîner. Sa vue m'aura frappé apparemment. » De tous les philosophes, le père Malebranche est celui qui a fait la part la plus grande au pouvoir de l'imagination chez les femmes. Il en cite une qui, ayant assisté au supplice d'un malheureux condamné à la roue, en fut si frappée qu'elle donna le jour à un enfant dont les bras, les jambes et les cuisses s'étaient rompus, précisément à l'endroit où la barre de l'exécuteur avait frappé le criminel. Il ajoute que cet enfant resta stupide. Voltaire, malgré son scepticisme, croit aussi au désordre que l'imagination des femmes peut apporter dans la conformation des enfants. Il n'en cite pas d'exemple, mais il assure qu'il en a vu de si frappant que le doute ne peut plus lui être permis. Les anciens n'ont point ménagé aux dames de leur temps des accouchements monstrueux. Sans rappeler ici le fameux Minotaure de Crète, selon Pline, une dame romaine nommée Alcippe accoucha d'un éléphant en même temps qu'une femme esclave mit au monde un serpent. Julius Obsécan, ou son continuateur Lycosthène, cite deux Italiennes qui, vers le milieu du XVe siècle, donnèrent le jour l'une à un chat, l'autre à un chien. On peut remarquer que dans ces sortes d'événements, les chats et les chiens obtiennent presque toujours la préférence sur les autres animaux. Cependant, nous pourrions vous présenter une femme suisse s'accouchant elle-même d'un lièvre, une thuringienne, d'un crapaud, d'autres de cochons de lait, d'autres de petits poulets. Mais toutes ces merveilles pâlissent devant la femme qui accoucha d'une omelette. Probablement, elle avait avalé du beurre, des œufs, une poêle et par-dessus le marché sa cuisinière. Bayle rapporte qu'une jument fit un veau et une femme un chat noir. Le chat noir fut brûlé par ordre du Saint-Office, par la raison qu'il ne pouvait avoir d'autre père que le diable. Quant au veau, on le laissa paître en liberté. Lorsqu'on pense que toutes ces belles choses recueillies par des historiens ont été attestées par des docteurs et surtout par des moines, on se demande combien il faudrait de rames de papier pour écrire une histoire complète de l'escamotage depuis la création. Voici maintenant une historiette plus comique, dans laquelle le médecin Saint-André joua un rôle à peu près pareil à celui que nous nous sommes permis d'attribuer à son honorable confrère, le docteur Vimont. Le plaisant de l'aventure est que Saint-André la raconte lui-même comme étant de bon aloi, et cela dans un livre qu'il composa « Contre les superstitions ». C'était en l'année 1726. On vient chercher Saint-André pour donner ses soins à une femme en mal d'enfant. Il procède à sa délivrance. Que voit-il après l'opération? Un petit lapin. L'accouché souffrant encore, il recommence l'opération et amène un second lapin vivant. Dieu sait combien il en fut jasé parmi les commères du voisinage. De toutes parts, des cadeaux et de l'argent furent envoyés à la mère, si bien que, trouvant le métier bon, elle sentit encore quelques petits lapins remués dans ses entrailles. Et Saint-André aidant, elle en mit un au monde tous les 8 jours. Alors la police s'en mêla, on enferma la femme et plus de lapins. Le terrier était épuisé. Pendant le XVIe siècle, à d'assez longs intervalles et dans des localités différentes, à Wittenberg, en Misnie et à Villefranche, trois enfants à terme vinrent au monde sans tête. Il est inutile de dire qu'ils moururent au moment de la délivrance, mais ce n'en est pas moins un phénomène digne de l'attention des physiologistes que dans le sein même de la mère qu'ils aient vécu. Or, ils y vécurent bien évidemment, puisqu'ils y prirent de la croissance. L'anatomiste Carpi cite l'exemple d'un enfant né en 1729 qui, lui, avait une tête, mais dans laquelle on ne trouva que de l'eau limpide et pas la moindre trace de cerveau. Par compensation, on a vu des enfants venir au monde avec une double cervelle. Ce cas se présenta en 1684, où une femme, grosse de deux jumeaux, donna d'abord le jour à un enfant bien conformé qui, cependant, ne vécut que quelques heures. Le second avait la tête tellement monstrueuse qu'elle paraissait formée de la réunion des deux têtes, ce qui était en effet, puisqu'on y distinguait quatre yeux, deux nez, deux bouches, deux langues, mais seulement deux oreilles. Les recueils, les journaux, les mémoires de l'Académie des sciences, les livres de médecine fourmillent de faits analogues à ceux que nous avons rapportés. Et rien ne serait plus aisé que d'engrossir le nombre indéfiniment. Mais nous n'avons pas un goût bien prononcé pour les monstruosités. Et d'ailleurs, nous ne nous sommes pas donné pour mission de rédiger bénévolement le livret du musée d'anatomie comparée. Disons seulement que, quelque nombreuses qu'aient été les difformités de naissance, si on les compare à la masse d'hommes qui ont passé sur la terre depuis la création, on arrivera tout au plus à la proportion du verre d'eau jeté dans la mer. Malgré ces dernières observations, il est, parmi les conformations irrégulières, une variété que nous ne devons point passer tout à fait sous silence, parce que son origine remonte au temps des plus anciens poètes et que, depuis ce temps, elle n'a pas pu traverser les siècles sans engendrer des préjugés et semer sa route d'erreurs. C'est de l'androgyne, de l'hermaphrodite, enfin de l'être complexe réunissant en lui les deux sexes, que nous voulons parler. En a-t-il réellement existé? Malgré la cohorte des docteurs qui ont soutenu l'affirmative, malgré des exemples d'apparence sexuelle qui ont permis de douter à quel sexe un individu appartenait, et s'il n'appartenait pas aux deux sexes, nous n'hésitons point à renvoyer tous ces exemples aux métamorphoses d'Ovide pour y tenir compagnie à Salmasis. Mais que c'est une délicieuse fable dans Platon que la fable de l'androgyne en la prenant pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour le symbole le plus ingénieux peut-être que nous ait légué l'Antiquité. Dans le Sympose ou Banquet, Platon suppose que, dans l'origine du monde, l'homme et la femme ne faisaient qu'un, mais c'était un être si parfait que bientôt les dieux devinrent jaloux de leur ouvrage. Ils donnèrent l'ordre à Apollon de séparer les deux parties de l'androgyne, et à Mercure de raccommoder séparément les deux parties disjointes. Depuis ce temps, ajoute Platon, elles se cherchent, tendent à se rapprocher, mais elles y parviennent bien rarement. Quand cela par hasard leur arrive, l'homme et la femme jouissent de la plus grande félicité qu'il leur soit permis d'espérer sur la terre. Certes, il est impossible de se figurer une fiction plus aimable que celle où Platon fait à la fois allusion à la rareté des bons ménages et à la félicité conjugale, quand toutes les convenances se trouvent réunies entre les deux époux. À la manière dont on a interprété certaines fables, nous sommes surpris qu'aucun commentateur, Ésope, Phèdre et La Fontaine à la main, n'ait soutenu qu'il fut un temps où les animaux parlèrent à Athènes, à Rome et à Paris. Qui sait si, après une longue suite de siècles, on ne présentera pas aux gens crédules d'alors les contes philosophiques de Voltaire comme des fragments de l'histoire de son temps, et si l'on ne fera pas des recherches sur la famille de M. Candide. On lit ce qui suit dans la chronique scandaleuse de Louis XI. En la dite année 1478, advint en pays d'Auvergne qu'en une religion de moines noirs appartenant à Monseigneur le cardinal de Bourbon, il y eut un des religieux du dit lieu qui avait les deux sexes de l'homme et de la femme, et de chacun d'eux céda tellement qu'il devint gros d'enfant. Pourquoi fut pris et saisi et mis en justice et gardé jusqu'à ce qu'il fût délivré de son posthume, pour après, celui venu, être fait du dit religieux ce que justice verrait être à faire. Les anciens croyaient à l'hermaphrodisme, les chefs-d'œuvre que la statuaire antique nous a légués, et notamment l'hermaphrodite dite borghèse, que l'on voit au musée du Louvre, en font foi. Et cependant, on peut remarquer que l'excellence de l'art et le génie de l'artiste réunis n'ont pas pu parvenir à produire un être vraiment bisexuel, mais seulement à composer des figures participant ici du sexe féminin et là du sexe masculin. Dans le recueil des causes célèbres, on trouve plusieurs procès auxquels donnèrent lieu les suites attribuées à l'existence des deux sexes dans un seul et même individu. Le procès de la sœur Angélique de la Motte d'Aspermont, entrée en 1623 au couvent des filles Dieu de Chartres, fit grand bruit, et sans que nous entrions dans des détails qu'il faudrait rendre trop techniques pour qu'ils fussent exacts, nous nous contenterons d'ajouter qu'elle fut atteinte et convaincue d'avoir été homme avec les filles du Saint-Lieu et femme dans les excursions nocturnes qu'elle faisait hors du couvent. Par arrêt du Grand Conseil, les vœux de la dame d'Aspermont furent déclarés nuls. On la condamna en outre à la prison perpétuelle, à quitter les habits de religieuse et à l'interdiction des sacrements jusqu'à ce qu'elle fût en danger de mourir. Les enfants précoces et les enfants d'esprit. Comme vous le voyez, c'est encore des enfants dont nous allons nous occuper dans ce chapitre. Ce thème nous plaît. Nous les retrouverons assez tôt quand ils seront devenus des hommes. Il n'est personne qui n'ait entendu dire d'un enfant « Il ne vivra pas, il a trop d'esprit ». Cela se dit aussi, mais ironiquement, de quelques hommes faits et parfaitement bien portants. Cette croyance serait un préjugé si on voulait en faire la base d'une règle générale, mais on ne saurait nier que le développement trop hâtif d'une disposition quelconque, si ce développement est poussé jusqu'à l'extraordinaire, ne soit capable de fatiguer, d'user l'individu chez lequel il s'opère. Les jardiniers n'aiment point avoir un arbre trop chargé de fruits. Ils en élaguent même une partie pour que les autres puissent arriver à leur maturité, après avoir obtenu leur grosseur normale. Sans doute on ne saurait en agir de la sorte avec les enfants, nous ne dirons pas qui promettent, mais qui menacent d'être doués de facultés trop précoces et surnaturelles. Mais quand ces rares circonstances se présentent, la vanité des parents contribue souvent au mal qui en résulte. On retient les chevaux fougueux comme on stimule ceux dont les mouvements sont mous et paresseux. Les parents auxquels appartient un enfant phénoménal agissent presque toujours au rebours. Il stimule la fougue qu'il devrait contenir, ajoutant ainsi une fatigue factice à une fatigue naturelle. Ils sont si fiers d'étaler la valeur d'un petit prodige, bien heureux encore quand ils n'en font pas l'objet d'une abominable spéculation. Jamais nous n'avons pu voir sans une douloureuse indignation ces pauvres petits savants dont on dégrade l'âme en exaltant leur intelligence, colportée d'académies en académies, afin d'obtenir des certificats à l'aide desquels on renchérira le prix des places quand on en fera l'objet d'un spectacle public et rétribué. Cela serre le cœur, comme si, cependant, ce n'était pas assez d'une pareille dégradation quand des parents exploitent eux-mêmes la précocité de leurs enfants. Il reste encore un degré à monter sur l'échelle de l'infamie. C'est lorsqu'il s'établit une sorte de sous-location avec un traitant qui dispose de l'enfant pour un temps donné, moyennant une rétribution convenue. Le locataire, qui veut réaliser le plus de bénéfices possible pendant la durée de son bail, ne craint point de détériorer une valeur, un meuble vivant dont il a l'usufruit. Et quand il a pressuré la production, que lui importe que la propriété périsse? La loi est sévère envers les pauvres diables qui vendent dans les rues sans être munis d'une patente, des bagatelles à un ou deux sous. La loi fit emprisonner les vieillards qui, dans leur jeunesse, avaient ignoré que l'on ne pourrait un jour, sans délit, croire à la charité publique et l'implorer. La loi est muette au regard des homicides par spéculation. Bien plus, les exhibiteurs des enfants prodiges les produisent dans le monde avec l'autorisation de la police. En présence de ces turpitudes, c'est un bien beau mot que celui de l'écriture. Heureux les pauvres d'esprit. Adrien Baillet a composé un traité fort curieux sur les enfants célèbres par leurs études. Il en cite 163 qui se sont distingués par des talents extraordinaires, et parmi ceux-ci, il en est bien peu qui soient parvenus à un âge avancé. Ainsi, les deux fils de Quintilien, dont leur père parle avec tant d'admiration, n'accomplirent ni l'un ni l'autre leur 10e année. Ainsi, Hermogène, qui dès l'âge de 15 ans enseignait la rhétorique à Marc Aurèle, qui par ses talents précoces éclipsa de son temps les plus fameux rhéteurs de la Grèce, ne mourut pas à 24 ans, mais à cet âge il perdit le jugement et la mémoire, et oublia tout ce qu'il avait appris. Pic de la Mirandole mourut à 32 ans. Jean Second avait 25 ans. Pierre de Lamoignon mourut à 23 ans. Dès l'âge de 15 ans, il composait des vers grecs et latins que l'on trouvait fort remarquables. Il n'était pas moins avancé dans l'étude du droit que dans la culture des lettres. Enfin, Pascal, dont le génie toujours nouveau, toujours appliqué, traversera encore bien des siècles, ne vécut pas le tiers d'un siècle. Après ces phénomènes portés sur une liste que nous devons nécessairement tronquer, voici un miracle et un miracle quasi contemporain. En l'année 1791 naquit à Lübeck un enfant du nom de Henri Hinckem. La nature s'était complue à surpasser en lui toutes ses précocités antérieures. À 10 mois, Henri Hinckem commença à parler distinctement. Et 2 mois après, il apprit le Pentateuch, l'Ancien et le Nouveau Testament à 14 mois. À 2 ans, il savait l'histoire ancienne comme l'ont su les plus érudits investigateurs de l'Antiquité. Samson et Danville seuls lui pouvaient être comparés dans la connaissance de la géographie du globe à tous les âges. Au dire de ses admirateurs, Cicéron l'aurait pris pour un alter ego quand il parlait latin. Il en aurait remontré à Du Marsay et à Urbain Domergue sur les délicatesses de la langue française. À quoi servit à Henri Hinckem tant de science? Le vase était trop frêle pour la contenir. Faible, languissant, la fin de sa 4e année vit emporter sa science et mettre un terme aux douleurs de son corps. Il semblerait donc résulter de tous ces exemples que le mot particulier « honoris », il a trop d'esprit, il ne vivra pas, n'aurait point une signification fausse dans son application, et ce serait le cas de rappeler cet autre propos vulgaire « La lame use le fourreau ». Pour quelques-uns de ceux qui précèdent, pour Henri Hinckem surtout, le fait est hors de contestation. Si nous nous craignons de mettre en avant une idée paradoxale et de combattre un préjugé par un contraire qui serait peut-être un préjugé lui-même, nous dirions qu'une forte dose d'intelligence bien cultivée est une chance probable de longévité. Si nous osions soutenir cette thèse, voici à peu près comment nous raisonnerions. D'abord, nous ferions observer que tout être créé doit accomplir sa destinée, qui consiste à donner le plus grand développement aux prédispositions que lui a donné le Créateur. Que le travail est une des nécessités humaines, que quiconque a usé sa vie dans l'oisiveté meurt sans avoir été un être complet. Le but de la femme est la procréation de la race humaine, ajouterions-nous, et à l'appui de cette assertion, nous montrerions les tables de Blair à la main, que presque toutes les femmes dont il a noté la longévité avaient mis au monde un grand nombre d'enfants. Malgré le préjugé qui veut que de fréquents enfantements fatiguent la femme au point d'abréger sa vie. À côté de cela, nous montrerions dans Blair d'autres observations constatant que les vierges réellement vierges, que les femmes ignorantes des travaux de la maternité, terminent leur carrière incomplète plutôt que celles qui ont satisfait aux vœux de la création. Passons de là aux hommes. Après avoir rappelé que le cerveau est aujourd'hui reconnu comme étant le siège de l'intelligence, nous aurions à citer une foule d'exemples de longévité pris parmi les plus grands hommes de l'Antiquité et des temps modernes. Hippocrate, le plus grand médecin que le monde ait produit, meurt à 109 ans dans l'île de Kos, sa patrie. Galien, le plus illustre des successeurs d'Hippocrate, atteint l'âge de 104 ans. Les trois sages de la Grèce, selon Thalès et Pittacus, virent s'écouler un siècle entier. Démocrite vécut en riant 2 années de plus que ces trois sages. À Zénon, il ne manqua que 2 ans pour l'accomplissement d'un siècle. Diogène ne vécut que 10 années de moins que Zénon. Et Platon avait 80 ans lorsque l'aigle de Jupiter vint s'emparer de son âme pour la remonter au ciel. Guerrier et historien illustre, Xénophon vécut 90 ans, Polémon et Épicharme chacun 97 ans, Lycurgue 85 et Sophocle plus de 100 ans. Gorgias vit commencer sa 108e année et le médecin Asclépiade prolongea sa carrière jusqu'à un siècle et demi. Juvénal vécut 100 ans. Pacuve parvint au même âge et Varron ne vécut qu'une année de moins. Carnéade mourut à 90 ans, Galilée à 78 ans, Cassini à 98 et Newton à 85 ans. Dans le siècle dernier, nous avons vu Fontenelle s'éteindre à 99 ans, Buffon à 81 ans, Voltaire à 84 ans. Dans le siècle présent, Vienne terminer une carrière égale par sa durée à celle de Voltaire, et le prince de Talleyrand vivre comme ces deux derniers jusqu'à l'âge de 84 ans. Nous terminerons cette nomenclature qui nous semble fort concluante en citant encore le nom d'un prélat auquel nous avons l'honneur d'appartenir par une alliance, il est vrai, assez éloignée. C'est du feu cardinal de Bellois que nous voulons parler. 3 mois seulement lui manquèrent pour qu'il eût vécu un siècle. Dernièrement, le maréchal Moncy termina à 85 ans une carrière toute d'honneur. Encore un mot. Rien n'est plus recommandable que de se moquer de la vieillesse. Rien n'est plus délicat, plus fin, plus spirituel et surtout plus courageux que des épigrammes lancées contre la chambre des pairs, lorsque surtout ces épigrammes sont puisées dans nous ne savons quelle supputation collective de l'âge des pairs de France, de laquelle il résulterait qu'il reviendrait à chacun d'eux environ 63 ans pour sa part. Nous n'avons pas plus l'intention de faire l'apologie de la chambre des pairs que de nous associer aux épigrammes dont elle est l'objet. Mais on ne saurait nier qu'elle soit en grande partie composée des plus hautes intelligences contemporaines. Dès lors, la longévité de ses membres devient un argument en faveur de nos observations sur la longévité, considérée comme un attribut des hommes dont le cerveau fortement organisé ne s'est pas usé comme ces primeurs qui étonnent mais qui viennent rarement à maturité. Nous devons faire une remarque particulière à l'occasion de Voltaire. Sans avoir précisément fait partie des enfants prodiges, était encore bien jeune quand il se fit une belle réputation. À 17 ans, il avait composé son poème de la Ligue qui devint la Henriade. À 19 ans, il faisait représenter Œdipe. Il vécut malingre, souffreteux. Ses correspondances sont remplies de doléances sur sa santé. Chez nul homme, le siège de la vie en même temps que le siège de l'intelligence n'a été aussi évidemment dans la tête. On peut dire, sans trop d'exagération, que la tête de Voltaire survécut de plusieurs années à son corps et à ses membres. Le froid s'était depuis longtemps emparé des extrémités. Le corps était réduit à l'état de squelette. L'estomac n'accueillait qu'avec une pénible répugnance des parcelles de nourriture. Et jusqu'au dernier moment, de la tête de Voltaire jaillirent des étincelles d'esprit et de génie comme d'un foyer toujours ardent, tant que la mort n'en eut pas éteint les flammes. La force morale influe sur la force physique et la supplée souvent. Qu'il nous soit permis d'en citer un exemple puisé dans un douloureux souvenir. Au retour de Moscou, quand ces colosses de la vieille garde, cédant eux-mêmes au froid et au désespoir, se couchaient sur la neige pour ne plus se relever, de jeunes officiers récemment sortis des écoles trouvaient en eux assez d'énergie pour ne point succomber, et proportion gardée, il mourut dans ce désastre beaucoup moins d'officiers que de soldats. La plupart des historiens tombent dans un travers né de la flatterie et de l'amour du merveilleux, qui tendrait à grossir le nombre des enfants exceptionnels quand ceux-ci sont devenus des hommes illustres. On cherche dans leur enfance les pronostics et les indices de leur grandeur future. Et comme, la plupart du temps, les historiens ne trouvent rien, ils inventent. D'un autre côté, il n'est pas toujours vrai que des facultés extraordinaires trop et trop tôt développées chez un enfant lui interdisent tout espoir d'une longue vie. Parmi les quelques exemples que nous pourrions rapporter pour rassurer ceux auxquels leur trop d'esprit ferait craindre de ne pas vivre, nous en choisirons un seul. Nous lui donnons la préférence parce qu'il nous semble le plus caractéristique de ce que mentionne l'histoire. Le fils d'un médecin de Gênes vint au monde ayant à peine quelques pouces de longueur et ne paraissant pas destiné à vivre. Cependant, Licetti, son père, lui donna le nom de Fortunio, assez singulièrement choisi pour la circonstance. Licetti, ne désespérant pas de l'élever, le fit placer dans un petit four où on entretient une chaleur toujours égale. Il choisit une nourrice qui suivit ponctuellement ses instructions. Et au bout de quelques mois, Fortunio Licetti ressembla à un enfant qui viendrait de naître à terre. Ce même enfant suivit la chance commune aux autres enfants, si ce n'est que, dès ses premières années, il donna des preuves d'une intelligence et d'un esprit fort supérieurs à ce que l'on a droit d'attendre des enfants les mieux disposés. À 19 ans, Il publia un traité de l'âme, et dans le cours d'une vie qui dura 79 ans, il enrichit la littérature et les sciences de 80 ouvrages, tous marqués au coin d'une profonde érudition. Le maréchal de Richelieu n'était pas non plus né à terme, c'est-à-dire qu'il vint au monde au terme de 7 mois. Il était aussi d'une délicatesse qui permettait peu l'espoir de le sauver. Il fut matériellement élevé dans du coton et vécut jusqu'à l'âge de 85 ans. Sans faire du maréchal de Richelieu un grand homme malgré ses débauches, que l'on a peut-être exagérées, on ne saurait sans injustice lui refuser une place éminente parmi les hommes les plus distingués du siècle dernier, dont il représenta les mœurs comme Voltaire en représenta l'esprit. Conclusion. Quoi qu'on rencontre dans toutes les nations des singularités, aussi frappantes que celles que nous avons extraites de leurs annales religieuses ou profanes, on peut moins les imputer à l'idée universelle d'une providence qu'à la propension de l'homme à accueillir tout ce qui frappe ses sens, à se jeter dans les ténèbres de l'erreur pour ne pas marcher sous le soleil de la vérité. Ainsi, quel alliage monstrueux se rencontre dans le plus beau culte, dans le christianisme. À côté de ces oracles, de ces prodiges ravissants, on voit des scènes diaboliques, comme si l'enfer voulait dominer le ciel. Heureusement que de beaux esprits, trouvant dans l'âme, dans les splendeurs de la nature, dans les grandes traditions, l'éloquent témoignage de l'existence d'un Dieu grand, infini, revêtu de tous les plus beaux attributs, sont parvenus à faire sortir son image du chaos des superstitions, où elle se trouvait enfouie, et ne s'en sont plus formés un portrait dessiné sur le dévergondage des passions. Dieu n'est plus un monstre, un potentat, un barbare, un tyran qui ne respire que la vengeance. Sa providence nous révèle un père. Ceux qui raisonnent bien nous le peignent comme on le peignait à l'origine du christianisme, comme le père de la lumière et de la fécondité. La clémence et l'amour forment son essence. Les vertus sont ses plus chers holocaustes et l'univers est son temple. Cette figure divine n'empêche pas l'admission du principe du mal, puisque nous le sentons en nous, mais on ne le déifie plus. Ce principe, comme un Armian, un Moloch, un Baal. Il n'est plus le ministre des vengeances célestes. Seulement, comme un tentateur, il nous propose le mal sous des fleurs, tandis que le principe du bien nous réclame la victoire en triomphant des passions. Toutefois, qui vous dit que les idées de terreur, de vengeance, de punition sous lesquelles on représentait Dieu, comme le font encore quelques prédicateurs, n'ont pas été très salutaires chez les nations barbares privées du flambeau de la civilisation? Comment voulez-vous qu'un législateur ait dominé un peuple grossier s'il ne s'était présenté qu'avec un système idéal, qu'avec de l'esprit? Il lui fallait matérialiser tout culte, loi, usage pour arriver à gouverner. Moïse emprunta la foudre du Sinaï pour publier la charte israélite. Nemrod chez les Chaldéens, Ménès en Égypte, Bélus en Assyrie, Lycurgue à Lacédémone, Joachus à Athènes, Numa chez les Romains, Mahomet chez les musulmans, sont environnés de prodiges. Presque tous les fondateurs de sociétés ont appelé l'intervention divine, et quand ils n'ont pas de prodiges, ils en inventent, convaincus que, sans une puissance supérieure à la puissance humaine, il est impossible d'asseoir un gouvernement sur des bases solides. Ce sont sans doute ces manifestations publiées chez les nations qui ont donné carrière à une foule de superstitions ridicules, barbares sanglantes. Une fois descendues dans les mœurs et dans les esprits, ces superstitions maintinrent leur sceptre de plomb. Elles avaient surtout pour ministre l'ignorance, le fanatisme et la peur. Les maladies inconnues, les accidents extraordinaires, les événements subversifs, tout ce qui passait le cours ordinaire des choses fut attribué à une puissance infernale ou à des hommes initiés à ses secrets. Frappés de catastrophes au milieu des calamités, les peuples invoquèrent l'assistance suprême sous les images les plus étranges et les plus terribles. Profitant de la crédulité publique, les savants, les artistes, les sages symbolisèrent leurs idées. À l'égal de la divinité, ils eurent des statues. Comment voulez-vous que les peuples, devant les idoles humaines, ne se prosternassent pas comme devant les images divines? N'y a-t-il pas eu des hommes comme les empereurs romains qui ont voulu être glorifiés comme des dieux et ont forcé les hommes à leur brûler de l'encens? Si des hommes se sont proclamés dieux, d'autres ont bien pu à leur tour se donner pour sorciers et pour magiciens. Le désir de dominer et de s'élever au-dessus des autres hommes inventa les devins et les astrologues. La remarque de l'influence des astres sur les saisons et de la température fit croire que ces mêmes astres exerçaient un pareil pouvoir sur les êtres libres et indépendants. Ainsi l'on trouva écrit dans les étoiles le sort de l'homme avec ses variations. Quand on attribue tout à la présence d'une puissance surhumaine, il ne faut pas s'étonner qu'en certains siècles on entendait tant parler et raconter que tout finissait par être prodige. Quand ils furent chantés et poétisés, ces prodiges, on les respecta, on les trouva dignes du ciel. L'admiration les augmenta et l'ancienneté les autorisa. Si tout était prodige, comme en Égypte tout était Dieu, il survenait de toutes parts des révélations sur les destinées. Il en surgissait des songes, du vol des oiseaux, des entrailles et des cris des bêtes, du mouvement de l'eau, des feuilles agitées par les vents, du front, de la main, du miroir, des cartes, etc. Ainsi s'est dégradé le principe dont nous avons suivi le développement à travers les siècles. La Bible, les oracles, les prophètes nous ont annoncé de grandes choses, mais les spectres, les fantômes, les vampires troublèrent les peuples avec leurs apparitions funèbres. Concluons donc de cet ouvrage que tous les peuples, à quelque époque qu'ils aient paru, ont admis, dans les destinées de ce monde, l'intervention d'une puissance supérieure qui avertit les hommes d'intervalle en intervalle par des signes extraordinaires, par des voix prophétiques, par des apparitions surnaturelles, etc., etc. Mais que cette opinion a été souvent obscurcie par la superstition, par le charlatanisme des astrologues, des devins, des magiciens et autres qui se sont mis à la place ou se sont arrogés le pouvoir de ceux que l'être suprême a chargé de manifester ses volontés aux générations. Fin du chapitre 30, sous-chapitre 33 à 34 et conclusion. Fin de Histoire curieuse et pittoresque des sorciers, devins, magiciens, astrologues, voyants, revenants, âmes en peine, vampires, spectres, fantômes, apparitions, visions, gnomes, lutins, esprits malins, sorts jetés, exorcismes, etc., etc., etc., depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Par Mathias de Giraldo, traduit par M. Fornari. Enregistré par Yasmine.